Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie française. Ariane et Hugo décident d'échanger leur vie pour échapper à la routine, qui après 10 ans de mariage, leur donne le sentiment d'être des hamsters pédalant dans une roue. Elles se retrouvent du jour au lendemain à la direction d'une entreprise de location de matériel de chantier, et lui s'improvise vendeur de bijoux à domicile. Mais la vie est-elle plus belle lorsqu'on la contemple de l'autre côté du lit ? Mais plus de choc à pic ! Mais pourquoi pas une pénurie de Nutella pendant que tu y es ? Maman, il y a le feu ! Ah là, c'est plus possible. Qu'est-ce que tu fous de tes journées ? Je peux pas tout le temps être derrière toi. Qu'est-ce qui se passe, Ariane ? Qu'est-ce qui va pas ? Je bosse comme une malade pour faire des choses que personne ne voit. Mais dis-moi, tu crois que ça m'amuse de pas voir grandir les enfants ? Des moments où je voudrais qu'on échange pour que tu comprennes. D'accord. Je prends ta place, tu prends la mienne. En résumé, nous avons donc échange effectif de vos fonctions pendant 1 an. Heureux de démarrer une nouvelle vie. Je vais enfin pouvoir me reposer un peu. Oh, y a pas de choc à pic. C'est mieux. Je me suis épilé entre les sourcils pour faire moins sévère. Ça repousse pas, c'est ça. Et les enfants? Si on leur explique, ils comprennent. Alors? Moi, je préfère vous divorcer. De l'autre côté du lit, une comédie de Pascal Pousadou avec Sophie Marceau et Danny Boone, un DVD Warner Home Video.